entendu un gros boum. Enfin, tout a pété. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, toujours de la merde. Et tiens. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission du magazine Libertaire. Ici, on cause d'actualité des luttes, de la France et du monde qui pue, et on essaye de donner la parole aux personnes qu'on n'entend pas ou peu dans les médias d'habitude. Donc le magazine Libertaire, ou Maglib de son petit nom, est diffusé tous les mercredis de 12h05 à 13h30 sur JetFM 91.2 et sur jetfm.fr. Vous pouvez nous contacter si ça vous chante par le biais de notre adresse mail à maglib@riseup.net. Ou par téléphone en direct pendant l'émission au 02 28 25 23 88. Et vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur maglib.noblogs.org. Oui, alors bonsoir, c'est notre première émission de la saison après 2 ans d'absence sur la bande FM. On est super content de reprendre l'antenne et on espère que vous nous pardonnerez s'il y a des petits couacs techniques. Hein, c'est juste le temps d'apprivoiser les nouveaux studios. Donc aujourd'hui, nous allons on va faire une chronique Safe City. Nous allons donner des nouvelles de Fabrice Borromée. Bon, ce sont des nouvelles pas très réjouissantes. Nous aurons le billet de Martin qui s'intitule « Cerveau et décadence ». Et si nous avons encore un moment, nous allons parler de grève de la faim en cours dans les CRA de Palaiseau et de Plaisir. Et nous terminerons par les annonces. Donc tout de suite, on va passer un morceau de musique et on se retrouve après. Parlez-moi, s'il vous plaît, d'un autre monde, celui-là me déplaît. J'y collerai des bombes, il est vraiment trop laid. Et quoi qu'il en soit, c'est pas pour moi qu'il est fait, mais pour personne, je crois. Parlez-moi, s'il vous plaît, d'un autre monde, celui-là me déplaît. J'y collerai des bombes, il est vraiment trop laid. Et quoi qu'il en soit, c'est pas pour moi qu'il est fait, mais pour je crois. On a l'intelligence, mais on ne s'en sert pas. On a une préférence pour le droit, n'importe quoi. Profonde indifférence pour tout ce qui ne rapporte pas. On s'amuse et on danse, on fait les fous. On consomme, on dépense et on vomit partout. Sur toutes les différences, sur tout ce qui n'est pas nous. Notre monde, celui-là me déplaît. J'y collerai des bombes, il est vraiment trop laid. Et quoi qu'il en soit, c'est pas pour moi qu'il est fait, mais pour personne, je crois. frontières. On a tracé des lignes jusque dans la mer. On se bat pour des drapeaux, des petits bouts de terre. On tue nos voisins qu'on tenait par la main. Des milliers de gens se noient autour de Lampedusa pour atteindre un Éden qui n'existe pas. Un autre monde, celui-là me déplaît. Je collerai des bombes, il est vraiment trop laid. Et quoi qu'il en soit, c'est pas pour moi qu'il est fait, mais pour personne je colle. On avait un jardin extraordinaire, avec des animaux, des forêts, des rivières. On a choisi le gain, la chimie nucléaire. On court après des leurs. C'est toujours la même histoire. Des milliers de gens qui pleurent pendant qu'une poignée se marre. J'ai beau être un rêveur, ce monde est un cauchemar. Parlez-moi, s'il vous plaît, d'un autre monde. Celui-là me déplaît. J'y collerai des bombes, il est vraiment trop laid. Vraiment trop laid. Et quoi qu'il en soit, l'est fait pour personne, je crois. Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Libertaire, toujours sur Jet FM, comme chaque mercredi midi. On va maintenant parler de Smart City, et on va pas parler de n'importe quelle Smart City, parce qu'on va parler de Safe City, autrement dit, de ville sécuritaire. Mes chers auditeurices, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, faisons une petite définition de la Smart City. La Smart City, c'est le terme anglais qui désigne la ville intelligente. Les adeptes du concept la définissent comme un mode de gouvernance qui permettrait de faciliter les usages de la ville dans différents domaines comme l'énergie, les déplacements, les services et plein d'autres trucs. Plus concrètement, quand on parle de ville intelligente, on parle de technologie, puisqu'il s'agit en fait de collecter massivement des données grâce à des capteurs, des caméras, aussi grâce aux smartphones, d'analyser ces données et d'en tirer des modèles qui vont permettre aux dirigeants de prendre des décisions. En un mot, il s'agit d'utiliser la technologie du numérique pour rendre la ville performante, d'en rationaliser les usages et les services. Alors peut-être que jusque-là vous vous dites « chouette, enfin un moyen de gérer les problématiques liées à la vie dans les grandes métropoles ». Ouais, sauf que plein de trucs. On pourrait par exemple s'interroger sur le fait de confier à des machines la responsabilité de proposer des solutions basées sur des modèles prédictifs. On pourrait questionner la collecte à grande échelle de données personnelles. On pourrait aussi se demander quel est l'impact de ces modes de gouvernance sur les inégalités sociales, questionner la rationalisation statistique et se demander si on a envie de vivre dans un monde où tout est quantifié, analysé, contrôlé. Et puis, il ne faut pas oublier que la ville intelligente, c'est aussi un marché juteux, que de grosses boîtes se disputent, genre IBM, Orange, Microsoft, Thales, Cisco, Bouygues, Engie, et j'en passe. Ce marché est estimé à 1500 milliards de dollars, ouais, 1500 milliards de dollars dans le monde en 2020, avec un taux moyen de croissance annuel de 14%. Avec ça, on comprend mieux pourquoi ces grosses boîtes s'y collent. Et si tout ça ne vous a pas dégoûté des Smart City, passons donc à la partie essentielle de cette chronique, la Safe City. Safe City, donc, un autre terme anglais qu'on peut traduire par « ville sûre », la ville où on est censé se sentir en sécurité. Pas en sécurité au sens d'être sûr d'avoir de quoi manger chaque jour, pas non plus la sécurité d'avoir un toit au-dessus de sa tête, pas non plus celle de ne pas subir de discrimination, ni celle d'être sûr de rentrer sans blessure d'une manifestation. Non, non, on parle ici de délire sécuritaire, de surveillance totale et de contrôle social. La Safe City est une composante de la Smart City. La Safe City allie la collecte massive de données et l'intelligence artificielle, avec comme objectif d'analyser, faire des statistiques, détecter, voire faire des prédictions. Pour voir plus concrètement de quoi il s'agit, on va faire un petit tour vers quelques projets, à commencer par Nice. Nice, la ville aux 2666 caméras, soit une caméra pour 128 habitants. Nice, avec son maire Christian Estrosi, ambassadeur du tout sécuritaire. Nice, avec sa police municipale armée, dirigée par un ancien du GIGN. Nice a beau être la ville la plus surveillée de l'Hexagone, rien n'arrête son maire quand il s'agit de sécurité. Et parmi les projets qui ont vu le jour, on peut noter Reporty, une application smartphone israélienne qui permet d'entrer en contact avec la police pour signaler des incidents ou des infractions et leur transmettre en direct des images vidéo du signalement et de sa géolocalisation. L'expérimentation a duré 2 mois, mais pas de bol pour Estrosi, sa généralisation n'a pas pu aboutir car, je cite la CNIL, la loi ne permet pas à ce stade l'utilisation de ce type de technologie. Petite traduction, ça veut dire que si la loi le permet, enfin quand la loi le permettra, puisqu'on n'a pas de doute qu'un jour Estrosi et compagnie essayent de faire passer, essayent de faire légaliser en fait ce genre de pratique. Bon bah quand ça passera, ce genre d'application sera légal quoi. Un autre projet niçois. La reconnaissance faciale, demandée par Estrosi depuis des années, elle a été expérimentée pour la première fois sur la voie publique à Nice, lors du carnaval. Ouais, carnaval, reconnaissance faciale, il y a de quoi bugger un peu, mais bon. L'idée de l'édile est de pousser à ce que ces expérimentations se multiplient et de faire évoluer la loi qui ne permet pas pour le moment en France d'utiliser ce type de technologie. Toujours à Nice, toujours de la reconnaissance faciale, un portique biométrique a été installé dans un lycée et les élèves devraient, dès le mois prochain, se faire reconnaître par des caméras pour accéder à leur lycée. Un autre lycée à Marseille, cette fois, va aussi expérimenter le dispositif. Nice encore, et ouais, dans le cadre du projet d'expérimentation Safe City, voté par la ville en juin 2018, Thales et le consortium qu'il dirige veulent créer le Waze de la sécurité à la sauce Big Data. Pour aider les décideurs, il s'agit de collecter le maximum de données existantes et d'en chercher les corrélations, de développer des nouveaux algorithmes d'analyse et de corrélation permettant de mieux comprendre une situation et de développer des capacités prédictives. Ça, c'est l'extrait de la brochure qui présente ce Waze de la sécurité. Et pour celles et ceux qui se demandent ce que c'est Waze, en fait Waze c'est une application smartphone, c'est une application GPS à la base, mais aussi où les utilisateurs ils peuvent signaler des événements, genre signaler des bouchons, signaler qu'il y a des contrôles de police à tel endroit, etc. Et du coup là l'idée ce serait d'avoir cette application là, où les gens pourraient directement en cliquant sur leur smartphone, sur une carte, dire à tel endroit il se passe ça, à tel endroit j'ai vu quelqu'un que je trouve un peu louche, à tel endroit, il y a quelqu'un qui a laissé son chien faire caca, tout ça. Voilà sur quoi planche Thalès et la ville de Nice. Et enfin, pour terminer sur Nice, un autre projet orienté prédictif avec des détecteurs d'émotions dans le tramway qui pourraient permettre à la police de déclencher des interventions. Genre s'il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'avoir peur dans le tram, on se branche sur la vidéosurveillance du tram pour voir ce qui se passe et on envoie une patrouille de police. A priori, cette expérimentation aurait été abandonnée, mais bon, avec Nice, on n'est jamais trop sûr. Il y aura encore pas mal de choses à dire sur cette ville, mais on va laisser la place à d'autres villes qui ne sont pas en reste. À Saint-Étienne, par exemple, c'est une 50aine de micros qui a été placée dans les rues de certains quartiers. Les micros ont un rôle de capter les sons et d'envoyer automatiquement des alertes au centre de supervision urbaine lorsqu'ils analysent qu'un son est suspect. Au centre de supervision, les agents utilisent les caméras situées à proximité des capteurs pour voir ce qu'il se passe et peuvent envoyer une patrouille sur place. En plus de la question évidente de l'espionnage des conversations dans l'espace public, se pose aussi la question de la normalisation des comportements. C'est quoi un bruit suspect ? Notons aussi que dans le projet de base, quand les appareils détectaient un bruit suspect, la vérification devait se faire par drone. Imagine, t'es dans une rue, tranquillou, à boire un coup avec tes potes. Là, quelqu'un lâche son verre et bam, un bruit de verre. L'algorithme le détecte, envoie immédiatement une alerte au centre de supervision urbain et tu te retrouves avec un drone au-dessus de ta gueule qui doit détecter si oui ou non il faut envoyer les flics. Bon, ça fait pas trop rêver, hein. On pourrait citer plein d'autres projets. Marseille, avec l'entreprise Engie, qui se lance aussi dans la police prédictive avec son observatoire de Big Data de la tranquillité publique. Valenciennes, avec Huawei, un géant du numérique, qui va refaire le système de vidéosurveillance avec une détection des situations jugées comme inhabituelles. Istres, avec ses drones qui transmettent en temps réel leurs images à la police municipale. Paris, avec Thalès, qui veut faire de la Défense le quartier des affaires le plus sûr du monde en mettant en place des caméras prédictives, des détecteurs de coups de feu et des capteurs de température. Bref, on pourrait encore citer plein d'exemples, mais il faudrait des heures. Du coup, plutôt que de continuer à vous citer les projets un par un, je vous invite à aller consulter et pourquoi pas alimenter la plateforme Technopolis, lancée par l'association La Quadrature du Net. L'objectif de la plateforme, c'est de lutter contre ces projets dangereux en termes de liberté et de les documenter. On y trouve donc une cartographie des projets et des documents liés à ces projets. Et l'idée, bien sûr, c'est d'avoir accès à ces données, mais aussi de l'alimenter. Cette plateforme, elle est disponible sur Internet à l'adresse technopolis.fr. Et je voulais juste finir sur le désormais célèbre slogan « 1984 n'était pas censé être un manuel d'instruction ». Photocopies de rue, pendant que des mokomokai discutent dans des châteaux perdus. Donc, nous sommes toujours dans l'émission du magazine Libertaire. Nous allons parler maintenant d'isolement carcéral en donnant des nouvelles de Fabrice Borromée. Donc, Fabrice Borromée, c'est une personne qui est incarcérée en métropole et qui lutte contre ses conditions d'incarcération et qui lutte aussi pour pouvoir être. Il n'est pas contre le fait d'être. Enfin, il est prêt à purger sa peine, comme on dit, mais en fait, il aimerait être en Guadeloupe plus près de ses proches. Et du coup, comme il lutte contre ses conditions d'incarcération, et bien du coup, il passe souvent en procès. Il a suivi souvent des plaintes contre lui, des plaintes des matons, des plaintes de l'administration pénitentiaire. Et à sa peine initiale se rajoutent donc d'autres peines d'incarcération qui fait que... Il devrait être sorti actuellement, mais ces peines cumulées font qu'il ne sera pas libérable aujourd'hui, avant 2042. Donc Fabrice, il est passé en procès donc, le 16 juillet 2019. Et le jour de son procès, donc, des personnes proches et amies de Fabrice et des opposants, donc des personnes anticarcérales, ont distribué un tract que je vais vous lire tout de suite. Donc aujourd'hui, 16 juillet 2019, Fabrice passe en procès à Tarascon pour avoir tenté une résistance à la prison d'Arles, où il était enfermé et donc torturé il y a 5 ans. Depuis, tout va de mal en pis, tant au niveau pénitentiaire, juridique que médical. Depuis 2012, Fabrice Borromée subit l'enfermement dans les quartiers d'isolement des prisons en métropole. Depuis 7 ans, ses conditions de détention doivent être qualifiées de torture. Ce traitement inhumain a été mis en place par l'administration pénitentiaire après que Fabrice ait refusé de se soumettre à l'arbitraire carcéral qui lui interdisait d'assister à l'enterrement de son père en Guadeloupe. Depuis, Fabrice ne demande qu'une chose, être transféré en Guadeloupe auprès de ses proches. Face au silence de l'administration, il s'est révolté de nombreuses fois pour se faire entendre, notamment avec des prises d'otages. Alors qu'il était entré en prison pour une peine de 8 ans, il a pris des rallonges de peine à l'appel et il a aujourd'hui encore 30 ans à faire. Enfermé et exilé de force en métropole, Fabrice subit une double peine. Comme de nombreux autres détenus originaires des territoires qu'il est convenu d'appeler les dom-toms, outre la répression carcérale, leur situation révèle un des aspects de la domination coloniale que l'État français continue d'imposer aux populations de ces territoires. À l'isolement et très éloigné de ses proches, Fabrice n'a de contact quasiment qu'avec les surveillants casqués. Depuis, plusieurs articles de presse ont été écrits sur sa situation, mais celle-ci n'a pas changé et la mesure d'isolement n'est toujours pas levée. Au contraire, il a subi des conditions extrêmement difficiles, dignes des anciens QHS, donc les quartiers de haute sécurité, soi-disant abolis. Menottage systématique, escorte suréquipée et violente, refus de le laisser voir le médecin ou le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des conditions décentes, repas jetés par la trappe. Il y a 18 mois, Fabrice refusait de sortir de la douche, demande à la direction de respecter ses engagements pour son transfert. La seule réponse a été de lui envoyer les ERIS, donc c'est les équipements régionaux d'intervention et de sécurité en prison, c'est un peu un GIGN de la prison, qui ont balancé une grenade assourdissante dans la douche de quelques mètres carrés. Ces violences de l'administration lui ont fait perdre l'ouïe d'une oreille. L'isolement carcéral, véritable torture, a des conséquences très graves sur sa santé et son moral. Il a eu des attaques cardiaques, il se plaint de migraines permanentes, sa vue baisse, il s'exprime moins bien, il perd le goût de vivre. Un ulcère de l'estomac a été diagnostiqué il y a 6 mois et empire à cause du stress continuel. Ces agissements ignobles sont validés par le ministère de la Justice et des médecins complices. Ne nous laisserons pas tuer Fabrice Borromée. Donc voilà, là il est incarcéré donc à la centrale, donc au quartier d'isolement à Vendin-le-Vieil. On lui donnera son adresse tout à l'heure. Voilà, donc je pense que c'est bien de faire circuler cette information, de savoir ce qui se passe dans les tôles aujourd'hui. Donc, et c'est pas le premier. Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui luttent contre les conditions d'incarcération. On avait beaucoup parlé à un moment donné. On avait rencontré d'ailleurs Christine Ribailly. On l'avait rencontrée. Sur notre blog, vous pouvez retrouver un entretien donc avec Christine, qui luttait aussi pour des conditions d'incarcération. Et là, tout de suite, donc on va écouter un extrait d'émission qui est passé il y a 4-5 jours donc sur l'Envolée. Donc l'Envolée, c'est une émission anticarcérale qui a lieu tous les vendredis de 19h à 20h30 sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Et donc, que vous pouvez retrouver sur l'envolée.net. Donc, dans cet extrait d'émission, donc, une personne donc, qui correspond avec Fabrice et qui était allée à son procès le 16 juillet nous raconte donc ce que vit Fabrice et comment s'est passé le procès. Bonne écoute, à tout à l'heure. L'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Donc pour nous rappel, pour rappel, pardon. Pour nos fatigues, c'est le stress de la première émission, c'est normal. Yes, pour rappel, pour nous écrire, c'est au 43 rue de Steingrad, 9300 Montreuil. Et pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10. Mais du coup, normalement, il n'y a pas besoin. Ouais. Floréal ? Oui. Salut. Ça fait longtemps que tu n'es pas passé à cette antenne, non ? Tout à fait, ouais. Ça fait un petit moment. Bah ouais. Je veux dire pareil qu'à Olivier, faut que tu reviennes. Là, de l'envoler, et puis tous les prisonniers, là, actuellement, on est cachots de France. Bah ouais. Bah tu voulais nous parler de Fabrice un peu ? Fabrice Borromée, ouais. Je voulais vous parler un peu de Fabrice Borromée. On n'en a pas parlé depuis longtemps, depuis peut-être presque un an, parce qu'il ne donnait plus beaucoup de nouvelles, mais c'est de nouveau le cas. Alors j'ai été le voir lors d'un procès qu'il a eu à Tarascon le 16 juillet dernier. Mais avant ça, il m'avait écrit une lettre. Donc comme l'été, il n'y a pas eu beaucoup d'émissions, j'ai envie de vous en lire un petit extrait parce que c'est la lettre d'avant le procès. Puis après, je vous raconterai un peu ce qui s'est passé pour ce procès, quoi. Tu crois que juste avant, tu peux résumer un tout petit peu l'histoire C'est dans la lettre. Ouais, je peux parler un peu de ça. C'est vrai que lui, il en parle. Hein. Je vais lire un peu la lettre, puis on va commenter un peu sa lettre, parce qu'il résume des choses. Alors, ça fait presque 6 ans que j'attends ce procès, donc le procès de Tarascon, et pour passer à autre chose, sache-le. Je me dis que ma vie n'a pas été facile après la mort de ma mère. J'ai été placé de 8 à 13 ans à la SPA, la DAS, et de 13 à 16 ans en famille d'accueil, et de 16 à 38 ans, la prison. La violence, les gangs. Et aujourd'hui, je me retrouve handicapé de l'oreille gauche à cause de 2 grenades qu'on m'a jetées dans la prison. Et là, ça fait 7 ans d'isolement, casqué, menotté, dans tous mes mouvements en 2019. Mais je tiens le coup. Et grâce à Dieu, grâce à mon père, qui était un vrai guerrier lui aussi, et dont j'ai hérité de son caractère et le courage de me battre pour ma liberté et ma dignité, sache-le. Voilà, je salue toute l'équipe de l'Envolée et grâce à qui je tiens le coup. Et puis voilà, il salue un peu quelques amis. Voilà, donc ça c'est une lettre qui m'écrit. Donc Fabrice, voilà, ça fait 8 ans maintenant qu'il est en prison. Ça fait 7 ans qu'il est à l'isolement. Et Fabrice, il est Guadeloupéen. Il est Guadeloupéen et il veut être transféré en Guadeloupe en fait. Pour lui, il veut purger sa peine en Guadeloupe, quoi. Et évidemment, l'administration s'en fout. Et il a beau demander, ça ne change rien. Donc, au bout d'un moment, il fait une prise de parole. En tout cas, il retient un prisonnier, un maton, quelques heures à Condé. Et puis, en fait, il renouvelle plusieurs fois l'opération pour se faire entendre. Et puis, il prend des peines. Jusqu'à avoir une peine qui maintenant ça date de libération, c'est 2042 pour une peine. Ouais, parce que ce qu'il faut dire c'est que là en fait il devrait être sorti pour sa peine de départ. Il devrait être sorti, tout à fait. Et il a été dans des conditions hyper particulières, comme il se laisse pas faire et qu'il est hyper déterminé. Ils ont fabriqué une cellule d'isolement spécialement pour lui, qui est en fait une cellule de mitard avec une petite trappe dans la porte, découpée exprès pour lui passer les plats. Il est entravé, comme il le dit, dans tous ses déplacements, menotté, casqué, enfin avec tous les casqués autour. C'était en 2017. Donc, il est déplacé pour aller dans la douche. Attends, juste là-dessus, en fait, moi, je voudrais juste rajouter qu'en fait, il a servi d'exemple, en fait, d'une certaine manière, parce qu'en fait, c'est comme ça que maintenant sont construits les nouveaux quartiers sécurité, comme ils les appellent, qui sont des quartiers hyper sécuritaires, où pareil, en fait, maintenant, il y a des passe-menottes pour chacune de ces cellules de ces quartiers. Et voilà, quoi, en fait, ils ont expérimenté sur lui des nouvelles techniques d'oppression, quoi. C'était juste pour ajouter ça. Ouais, tout à fait. Vas-y, pardon, excuse. Et donc, il prend sa douche. Il se retrouve en 2017, il se retrouve en fait... donc, il est déplacé pour aller à la douche, menotté, etc. Et là, en fait, il refuse de remettre les menottes après la douche en disant « ça suffit, en fait. Maintenant, vous allez arrêter de me traiter comme un chien. Je veux sortir l'isolement, je veux être transféré, etc. Il le fait une première fois, il le fait une deuxième fois, les hérisses arrivent hein, à chaque fois. La deuxième fois, ils vont très loin puisqu'ils balancent une grenade assourdissante qu'on utilise généralement dans les manifs, dans la douche. Donc il perd l'audition de son oreille gauche. Donc c'est une pièce de 4 mètres carrés. Hein. Tard, les médecins refusent de l'ausculter, etc. Enfin, et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Christine avait harcelé l'hôpital à ce moment-là. Au téléphone, elle avait eu d'ailleurs un procès pour harcèlement téléphonique, hein, tellement elle avait, parce que voilà, en gros, personne s'était occupé de lui. Voilà. Et évidemment, il y a une plainte d'Hématon contre lui pour violence, bien sûr, alors qu'ils lui ont défoncé l'oreille. Voilà, donc par ailleurs, il a tous les voilà. Enfin, ça commence. Enfin, ça, on va en parler un peu parce que je l'ai vu, donc je pourrais vous donner des nouvelles fraîches. Mais du coup, voilà. Alors. Ensuite, je reviens un peu au procès. Ouais. En juillet, alors il passe à Tarascon pour des faits de violence sur un agent de la pénitentiaire quand il était à Arles. Il se trouve que donc ça se passe en fait, c'est un procès qui a vachement traîné parce que les faits remontent à 2014. Fabrice, c'est au moment de la distribution d'un repas. Il manque une barquette de lentilles dans son repas en fait. Okay. Et du coup Fabrice s'énerve, voilà. Et en fait ça faisait suite à vraiment un harcèlement de ce maton en particulier qui foutait de sa gueule, etc. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que au fur et à mesure qu'il faisait ses prises d'otages, il est devenu un ennemi public dans la détention, et tous les syndicats de matons, chaque fois qu'il est transféré, c'est-à-dire tous les 3-4 mois, il se refait tabasser à l'entrée, etc. Donc l'ensemble des matons de France en veulent vraiment à Fabrice. Il est très connu en fait, donc à chaque fois il est remis à l'isolement, etc. Et donc en fait. Lui, lors du procès, il cache pas du tout les faits. Hein, il s'est jeté sur le maton, voilà, et il l'a tabassé, mais ça, enfin, il l'a tabassé, il l'a tapé. Ça dure, il s'en tire avec 3 jours d'ITT, le maton. Et pendant tout le procès, ils vont essayer. Mais en fait, lui, il voulait faire une prise d'otage. Mmh. Il voulait faire une prise d'otage de ce maton pour continuer à réclamer. À réclamer son transfert, etc. Mmh. Donc c'est en fait la question du plat de lentilles. Pendant tout le procès, il était question que de ça, en disant mais regardez, il est complètement fou pour un plat de lentilles se mettre dans cet état-là, ça n'a aucun sens, etc. Il ramenait tout le temps ça au plat de lentilles, alors que c'est le dernier, c'est pas un détail parce que c'est quand même de la bouffe, mais je veux dire c'est le dernier élément d'un espèce de harcèlement en fait dont il était victime par ce maton et l'ensemble de la détention. Du coup, en tout cas, pénitentiaire. C'est toujours le jeu des juges, hein, de façon de faire passer le truc comme étant « mais vous vous rendez compte ce que vous avez fait, pourquoi ?» alors qu'en fait, il y a un truc politique derrière et qui est bien plus important. Vas-y, pardon, excuse, je te coupe. Non, mais il faut dire quelque chose. C'est que tout ce que je vous ai un peu raconté avant, c'est que c'est Fabrice, il bégaye vraiment, et il a plein de symptômes de l'isolement. Bon, il a un ulcère quasiment permanent, il a fait des malaises très régulièrement. En fait, il a vraiment les symptômes de l'isolement qui commencent vraiment à être là. Et lui, c'est en plus Fabrice, il est baraque, quoi. C'est un sportif et tout. Mais là, il fait plus de sport, il sort plus. Enfin, je veux dire. Et du coup aussi, c'est ça ce qui s'est passé au procès. C'est que, il y a eu la justice, bon, la salle était vide, hein, je veux dire, on était 5, c'était une blague. Il a été vide et rempli d'hérisses avec des mitraillettes derrière lui, etc. Hein, donc ça fait quand même un peu, tout de suite, on se dit, ah, peut-être il est coupable. Ouais. C'est sûr que ça pose une ambiance, quoi. Ils sont cagoulés et ils étaient dans le box, en fait, hein, carrément, quoi. Ouais. Donc il y a à la fois le dispositif et lui qui a du mal à s'exprimer et donc aussi à se défendre. Voilà. Et Étienne Noël, son avocat, bon, disons qu'il a fait le boulot, il l'a fait mollement et il l'a pas fait pour moi du tout suffisamment. Enfin, je veux dire, il faut casser le procès dans ces moments-là. Il faut pas juste dire que quand même, regardez, il est dans une situation bien particulière. Enfin, il faut être dans une, il faut vraiment faire autre chose. Donc voilà, effectivement, bah voilà, ils l'ont chargé à fond. Ils l'ont chargé à fond. Ils ont refait évidemment tout son pédigré. Bon voilà, évidemment, de toute façon. Et ils l'ont laissé s'exprimer en disant bah voilà, vous pouvez dire deux mots, mais sans que ça soit trop long quand même, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. De toute façon, tout ça a été plié en une heure. Et lui, il a déclaré que sa tête était sur le bio et que c'était l'homme à abattre. Voilà, là-dessus, le procureur, en reprenant derrière, disons que c'est vraiment le degré zéro de la réflexion, qu'il n'a pas fait du tout de chemin depuis 2014 et qu'il mérite les 4 ans qu'on va lui donner. Voilà, donc 4 ans ferme. Voilà. C'était les réquisitions du proc, les 4 ans ? C'était les réquisitions du proc, ouais. Ouais, donc il a suivi... Surtout la peine, là, elle a été donnée tout de suite. Ouais. Donc libérable en 2042, donc quand même, on rappelle ce que ça veut dire pour lui. Ça veut dire que là, il a 38 ans, entre 16 et 38 ans, il a été 7 mois dehors quand même. Ouais. Et voilà, enfin parce qu'il a fait plein de peines, hein, entre-temps. Et voilà, donc et il lui reste encore 2 procès pour des faits similaires, où Fabrice dénonce ses conditions de détention. Et voilà, il continue de demander son transfert. Et donc il va encore rallonger sa peine. Et par contre, évidemment, le maton s'en tire avec un peu plus de 46 000 euros. Voilà. Ok. Donc ça, c'est super. Donc, et évidemment, les Eris blaguaient dans le retour ce que nous disait Fabrice en disant qu'il s'est offert une villa sur ton dos. Voilà. Et donc, à la fin de l'audience, il a déclaré voilà, si la directrice que j'ai vue le matin même m'avait écouté, avait pris en compte mon besoin de rentrer chez moi, avait entendu que la pression montait, rien de tout ça ne serait passé. Mais elle m'a mal parlé, a été méprisante, et voilà où on en est aujourd'hui. Et donc, voilà, depuis les nouvelles, bah, c'est qu'il est toujours à isolement, ça a été prolongé par la garde des Sceaux. Le motif invoqué, c'est comme il refuse de sortir de sa cellule pour aller seul en promenade ou en salle de sport, ça prouve qu'il a une adaptation à la vie sociale minimale, requise pour être en bâtiment comme les autres prisonniers. Du coup, raison de plus pour le laisser à l'isolement. Enfin, on voit bien le raisonnement. Ça... Ouais. Voilà. Ouais, c'est le cercle qui s'arrêtera jamais, quoi. Et voilà. Après, ouais, encore, j'ai encore un morceau un peu de sa déclaration. Ils ont déjà tué le Guadeloupéen en moi. Et c'est pas rien quand il dit ça, hein, je peux vous le dire. Maintenant, tous les matons de France me connaissent, les syndiqués veulent ma peau. Je ne serai en paix nulle part. Mon père me manque, ma famille me manque. C'est trop de souffrance, tout ça. Ils cherchent à le tuer, ils cherchent à le pousser à bout. Pour eux, c'est une... C'est, voilà, ils peuvent pas faire autre chose que ça. Ils vont encore reprendre des peines. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si des gens veulent lui écrire, n'hésitez pas à le faire, hein, vraiment. Enfin, vraiment. Il est à Vendin-le-Vieil, Fabrice Borromée, 3688 QI06. Et voilà, vous trouvez l'adresse de Vendin-le-Vieil, mais n'hésitez pas à lui écrire. Et n'hésitez pas non plus aussi à écrire à l'administration en disant, en fait, voilà, enfin, il faut bah déjà, assouplir ses conditions, il faut le sortir de l'isolement maintenant, en fait. Enfin, ça suffit. Enfin, je veux dire, il va pas. Là, effectivement, ils sont en train de le tuer. Yes. Donc, voilà, il faut appuyer sa demande de transfert. Ça, c'est toujours possible de le faire. Hein. Si les gens écoutent et ne savent pas quoi faire, c'est toujours possible de faire ça. Voilà. Ouais. Puis c'est pour rappeler aussi que ça, quand il y avait eu pas mal de lettres qui avaient été envoyées il y a un an et demi, deux ans. Ça avait vraiment fait du bien à l'intérieur et tout, quoi. Et donc, en fait, de l'extérieur, on peut aussi faire en sorte que ça soit moins l'enfer pour lui, quoi. Ouais, du coup, je rappelle juste pour lui écrire, du coup, c'est Fabrice Borromée et eux. Alors, écrou 638, donc c'est Maison Centrale QI 5 rue Droux, D-R-O-U-X, 62 880 Vendin-le-Vieil. Et de toute façon, l'adresse, on peut la retrouver sur le site de l'Envolée, l'envolée.net. Et donc voilà, c'est important qu'on soit un maximum à lui écrire et à faire comme Floréal disait, d'essayer d'aller écrire à l'administration pénitentiaire et de montrer qu'il n'est pas tout seul, quoi. Mais dans tous les cas, le fait même qu'il reçoive du courrier, ça montre aussi qu'il n'est pas tout seul. Et que... Oui, parce que ça avait permis qu'il ait un transfert quand même à l'époque et tout. Mais après, effectivement, à ce moment-là, il a estimé, en fait, enfin, il y a un moment où il pensait en fait que ça allait s'assouplir. Il était sorti du QI, ça a duré quelques mois, ça a duré 3 mois, hein, à peu près. Ce qu'il m'a expliqué, ça n'a pas duré plus que ça. Et voilà, il s'est marié, etc. Bon, après, depuis, ça s'est un peu terminé. Mais et du coup, il se retrouve là extrêmement seul. De nouveau et sa situation et il revient comme il y a quelques années en fait, enfin comme il y a un an. Ben bah, il faut dire avec l'administration. De nouveau il est sauf que en fait son état lui il se dégrade parce que on a pu se parler, ça c'était chouette parce que moi j'ai pas pu évidemment, la paix a jamais voulu que je prenne un parloir, c'était très compliqué. Du coup on s'écrit mais en fait on s'était jamais vu finalement, ça fait des années qu'on s'écrit mais on s'était jamais vu. Là on a pu se parler donc ça c'était chouette, on s'est voilà, enfin ça c'est au moins, c'était possible de faire ça. Les procès, quand même, aussi, c'est ça. Hein. Mmh. On rappelle qu'il faut aller au procès aussi pour ça, pour pouvoir voir les gens, être là, montrer qu'on est là. Des gens qui sortent jamais, en fait, hein, qui sont coincés. Donc, faut pas lâcher ces endroits-là. Quand je vois des salles vides, ça me désespère. Quoi. Enfin, je veux dire, je me dis, mais... Enfin, voilà, donc... voilà, il faut... Il y a encore tout ça à faire. Ouais. Et voilà, et après, je pense que... On en reparlera. De toute façon, c'est sûr qu'on en reparlera. Il faut faire quelque chose pour ces prochains procès. Ouais. Et je pense que parce qu'un procès, c'est aussi un endroit où, voilà, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer pour ces peines-là, mais au moins qu'ils se sentent représentés par un avocat qui a la tête haute, qui regarde vraiment et qui essaie de casser quelque chose un peu. Parce que là, c'est pas possible en fait. Il s'agit pas d'être gentil et de faire des courbettes dans l'univers policier des juges. Là, c'est pas ça qu'il faut faire, en fait. Ça n'a pas de sens. Ça a assez peu de sens en général, mais là, c'est une aberration, quoi. Donc, il faudra penser à ça. Vous avez pu discuter un peu avec l'avocat et tout ou... Ouais, vite fait. Oui, on a un peu discuté avec lui. Bon, voilà, mais de toute façon, il voulait absolument... Enfin, il était très très méfiant du moindre rassemblement devant la prison. Enfin bon, je veux dire. Après, il fait le travail. Je sais pas. Voilà, il fait le travail, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Faut faire un peu plus que ça, quoi. Voilà, il est un peu mollasson. Il est là. Il est très procédurier. Donc c'est un avocat assez procédurier qui connaît le droit, etc. Donc voilà, il a rappelé des trucs, mais c'est pas ça. Là, on est sur une autre échelle. Il faut y aller, quoi. Il faut casser ce tribunal c'est à cause des peines intérieures. Ça c'est quand même un truc assez dingue, faut peut-être le rappeler quand même, que je veux dire, le fait que systématiquement les matons aillent aux plaintes, etc., et que tout soit au tribunal du coin avec des peines qui s'allongent, il est plus question simplement du prétoire là maintenant, c'est des peines qui sont faites parce que c'est porté au tribunal du coin, et du coup c'est délirant, c'est l'allongement de ses peines, c'est de la folie. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Il y en a plein. Il y a énormément de prisonniers qui sont dans ce cas-là. Ouais, ouais. Et alors quoi ? Il n'y a plus du tout de possibilité de sortir, jamais. Bah ouais. Clairement, c'est ça. Hein. Ouais, c'est un truc qui a souvent été dit, quoi. Et c'est ces peines intérieures qui sont infinies, et puis Enfin, tes seules manières de résister à l'intérieur, c'est de te reprendre. Enfin, c'est derrière, tu vas t'en reprendre d'autres, quoi. Mais ouais, en tout cas, il faudra continuer à lutter pour tous ces gens-là et tout. Voilà. Enfin, et on continuera à en parler. De toute façon, on continuera aussi à discuter avec Fabrice et puis continuer à donner de ses nouvelles. Voilà. Et on met le numéro d'écrou, enfin l'adresse pour le contacter dans le résumé de l'émission. Et voilà, il ne faut pas oublier que tout le monde peut écrire à l'administration pénitentiaire, tout le monde peut essayer de faire un peu, montrer un peu son soutien à Fabrice, quoi. Et il y a encore deux procès à venir, ouais. Ce qui pourrait être un peu l'occasion d'en parler un peu plus. Ce procès-là, c'est vrai que la date a été décidée super tard. Voilà, enfin, ça c'est vraiment... moi, je l'ai su quand même assez... Enfin, je l'ai su assez tardivement, en fait, cette date-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est alors que ça traînait depuis des années, d'un coup... Et pour les suivantes, par contre, effectivement, il faudrait un peu que ça se prépare, quoi. Un peu mieux, quoi. Voilà. Bah, courage à vous, salut à tous les prisonniers, et voilà, hein, la lutte continue. Hein. Oui, donc, vous venez d'entendre donc, l'enregistrement au sujet de ce que vit Fabrice Borromée en prison, notamment au quartier d'isolement. Voilà, donc on peut rappeler l'adresse de Fabrice. C'est Fabrice Borromée, B-O-R-O-M-E-E. Son numéro d'écrou, c'est 638. Donc MC comme maison centrale, QI, quartier d'isolement, 5 rue Drou, 62 880, Vendin-le-Vieil. Et je vous invite aussi à vous rendre sur le site de l'Envolée. C'est l'envolée.net. Donc l'Envolée, comme je vous ai dit, c'est une émission anticarcérale et il y a un journal aussi anticarcéral et des informations, des courriers de personnes qui sont en taule, des adresses. Et je pense que c'est pour ça que je lis cette, j'ai passé cette diffusion à la radio parce que en fait, je pense qu'il faut sortir du, enfin, faut pas étouffer ces affaires en fait de harcèlement, de torture, de tout ce que vivent les personnes en taule actuellement. Et alors du coup, on va passer une petite musique, c'est Singe des rues, et le morceau s'appelle Moins de barreaux, plus de brèches. Crève la toule. J'ai rarement eu la chance pour partenaire. Je finirai sûrement pas entouré de centenaires. Certains partiront au trou pour un délit mineur. Les pleurs à la naissance ne sont qu'un préliminaire. Et si nos vies ont vite de sens, c'est que nos désirs se résument. Un putain de bidon d'essence. Une allumette, une étincelle, que la France brûle comme à Vincennes. C'est toujours une histoire d'émeutés de classe, d'animal blessé, d'encristé, de guerre lasse, d'encart baissé. Reste à ta place ici, ce qu'on nous impose, ça pue le système biaisé. À court terme, tous parqués au ch'tard, je suis pas claustro par hasard. Et si on s'est marqué au corps, c'est pour oublier que nos vies leur appartiennent. Rien ne sert de mentir sur le score, leur putain de paix ne cesse d'augmenter. Ce monde nous fait, malade ou criminel, ils nous enferment, nous infirme. On avance comme sur un fil, car c'est répotentiel. J'ai sanglé dans ce putain de sol. 32 berges et si peu de rêves. Des magouilles, des petites billes, ça me sort que l'ennui me crève. Mon horizon, ça me nuise, il paraît. Tant que notre de vie les importune, c'est sûr, au bout du chemin, y'aura pas la fortune. On vit à l'ombre de leur soleil vert, sous les spots de la lune, dans cette putain d'époque. Tout est stérile et sous contrôle, ok. Dis-leur bien qu'on sait ce qui se trame, que la réponse sera à la hauteur du drame. Trop de larmes sous les capuches, dont ça les verser. Et si on noie la colère au fond d'un fer, c'est pour pas péter les plombs dans la violence percée. Ma jeunesse insouciante est morte bien avant terme. Tristesse et cicatrice dissimulée sous l'épiderme. Tous les jours, l'impression d'éviter le pire. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères, un peu plus d'euros dans les poches, plus de you voir moins de gueule, faire le bonheur de mes proches. Moins de barreaux, plus de brèches. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères, un peu plus d'euros dans les poches, plus de you voir moins de gueule, faire le bonheur de mes proches. Moins de barreaux, plus de brèches. Moi, je garde les ronces pour carburant, je reste du côté de ceux qu'on s'y peut à perdre. Des incendiaires qu'on incarcère et qui font pas les couvertures de leurs journaux de merde. Des vrais encristés de ce qu'ils osent appeler une crise. Des sacrifiés sur l'autel de leur putain d'escroquerie. Pour une enflure qui saute au supprime à Wall Street, dis-moi. Combien des nôtres qui s'accrochent à la poutre sans se rater. Ou sombres dans un sale paradis, la déprime pour seul partenaire. En haut lieu, bah ça se plaint, mais rassure-toi, ça croque encore et ça restructure. En bas, je t'apprends rien, ça canne un petit feu. Appelle ça caricature, mais putain, ça crève les yeux. Alors c'est ça, chacun sa cam, chacun sa cache, sa petite cachette, son élixir. Comme ça qu'on baise à l'usure, c'est pas la guerre soi-disant. Alors pourquoi les cachots craquent, pourquoi nos vies ont ce goût de chiotte, hein. La peste des flicas et ne presse pas la gâchette. Moi je garde, tenace mes fantasmes, cramer le buisson qui camoufle ta forêt de glace. Arracher des bouts de frais, des bribes de raies dans la matrice avant la tombe, briser leur glace en temps. Pour ça mon tour de combattant, j'ai pas le goût du sacrifice moi. Ni bourreau ni martyr et tout l'inverse d'un artiste. Et me dis pas que je suis pas à plaindre, je la connais bien ta vieille rengaine du genre qui te paralyse. De la zone grise à la zone libre, y'a qu'un pas en biais. Ce qui te sépare du précipice, de ceux qu'on dépasse pas, seul mais à plein. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères. Un peu plus d'euros dans les poches, plus de you vois moins de gueule, faire le bonheur de mes proches. Moins de barreaux, plus de brèches. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères, un peu plus d'euros dans les poches, plus de you vois moins de gueule, faire le bonheur de mes proches. Moins de barreaux, plus de brèches. Vous êtes dans le magazine Libertaire, toujours sur Jet FM, et ça va être l'heure du moment foutraque. C'est sous le joug de leur propre innocence qu'ils périrent la gueule ouverte. Telle pourrait être la sibylline épitaphe vantant nos mérites d'engrais futur de la terre nourricière. Une innocence pas si pure, en réalité. Car contrairement à l'adage, on peut tromper une personne mille fois. On peut tromper une fois mille personnes, mais on peut aussi tromper mille personnes mille fois. L'important étant d'abord de se tromper soi-même. Tout en sachant très bien que l'on se trompe, hein, évidemment. Ouais, c'est un petit exercice mental, c'est pas si facile. Faut bien choper le truc. Mais avec de l'entraînement, ça finit toujours par venir. Puis rassurons-nous, nous sommes bien entraînés depuis qu'on est tout gamin. Alors, quand une information ambivalente vient perturber l'équilibre ronronnant de notre cervelle, on a droit à une petite dose d'adrénaline liée au stress, gratos, comme ça. Puis, avec le temps, on n'en a même plus besoin. L'information en question a été classifiée. Ambivalente, gênante, donc rangée, en attendant sa prochaine récidive. Et ainsi de suite. Ça vaut toujours mieux que de faire face à ses responsabilités. Mais la duplicité est un combat intérieur difficile à mener. Perdu d'avance, même, quand on y réfléchit bien. Ouais, mieux vaut ne pas y penser, effectivement. Concentrons-nous plutôt sur les nouvelles failles qu'il nous faut toujours trouver afin de mieux nous tromper nous-mêmes et l'espace d'un instant nous dédouaner frénétiquement de tout ce bordel avant la prochaine crise de conscience. Jusque-là, on s'était évertué à accuser l'extérieur. Un voisin nommé autrui, le mauvais alignement des astres, un sardonique barbu céleste et sénile ou même le coquin de sort. Dans le catalogue des merveilles de la création utile à notre dédouanement quotidien, autant dire qu'il y en avait de quoi faire pour nous déculpabiliser de certains de nos choix, pour le moins douteux. Suffit de suivre sa fertile imagination et hop, nous remodelons le monde qui s'offre à nous selon nos propres codes pour en faire quelque chose d'acceptable, au sens de compréhensible, en fonction de qui nous sommes. Et comme nous sommes des individus, nous avons évidemment chacun chacune notre propre version de ce qui nous entoure, avec parfois des bouts en commun et d'autres fois de franches oppositions quant à ce que nous percevons. Bah ouais, la réalité c'est quoi finalement? La première des réponses à cette épineuse question consiste à définir notre réalité comme palpable. Elle est donc à ce moment-là un environnement, une sorte de production texturée en 3D, répondant à notre expérience sensitive, mais aussi à nos impressions, ou même à nos hallucinations. Que celle et celui qui n'a jamais connu d'état second me jette la première bière, ou toute autre substance répréhensible, hein, au Maglib, on n'est pas légaliste. Mais bon, dans ces moments-là, donc, il se peut que nous soyons amenés, disons, à douter de la nature du monde qui nous entoure et de sa conception en particulier. De fait, nous pouvons considérer les hallucinations comme une sorte de perception non contrôlée de la part de notre cerveau qui ne reconnaît alors pas les éléments qui jalonnent d'habitude la réalité. La perception du moment présent, c'est-à-dire là, maintenant, si vous êtes agent évidemment, revêt dès lors le caractère d'une hallucination contrôlée, au cours de laquelle les prédictions du cerveau se fondent dans le cadre de notre normalité, de notre routine, de notre acceptation cognitive. En fait, nous hallucinons en permanence. Et lorsque nos hallucinations nous apparaissent acceptables, selon nos échelles de valeur et de normalité, alors on appelle ça la réalité. Malheureusement, Frank Alamo et les années 60 sont définitivement enterrés depuis longtemps. Finie donc la contre-culture, ses volutes euphorisantes et ses aspirations révolutionnaires indécises. Halluciner le réel en 2019 revient à consulter frénétiquement son smartphone toutes les 6 minutes en moyenne, à traverser la rue sans trouver de travail tel un gaulois réfractaire au changement, écoutant un pognon de dingue en minima sociaux. Le tout en prenant bien soin de ne surtout pas penser qu'à côté de chez soi, comme à l'autre bout du monde, on crève de faim, de froid, de guerre ou de tout ce que vous voulez, tant qu'on n'y pense pas. Mais par quel miracle, grand Dieu, réussissons-nous de telles prouesses techniques? D'où nous vient cette force surhumaine? Une réponse s'impose, et cette fois, point question d'aller de nouveau chercher le concours de démonial autrui. Non, non, cette fois, la réponse se trouve là-haut, au sommet de notre carcasse pourrissante. J'ai nommé le cerveau. Voici donc le nouveau coupable des temps modernes, bien qu'étant celui par qui tout trépasse depuis les âges les plus anciens. Tout d'abord, pour bien comprendre le rôle de ce psychopathe accompli, il est bon de rappeler certains fondamentaux, parmi lesquels comptent en bonne place les enseignements professés par l'instructif court-métrage « L'île aux fleurs ». Tout d'abord, Dieu n'existe pas. Puis, l'inénarrable success story de l'être humain s'explique principalement par la présence de son vaisseau corporel d'un télencéphale hautement développé, couplé à un pouce préhenseur. Bon, vous l'aurez compris, c'est plus du télencéphale dont il sera question ici, et particulièrement de son fonctionnement. C'est que ces derniers temps, beaucoup d'informations ont été relayées quant au rôle supposément joué par nos cerveaux dans les quelques vicissitudes qui viennent troubler notre long fleuve tranquille, Pêle-mêle, on peut citer l'impétueuse recherche de la croissance absolue derrière laquelle se cache en fait le seul concept de profit. Vient ensuite l'inaction face à de grands dangers annoncés. La fin du monde, fin de l'espèce, éradication du nuisible, bref, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Sans oublier l'évocation de l'absurdité de notre mode de vie glorifiant l'insatisfaction organisée, histoire de faire tourner la planche à billets et la boucle est bouclée. Mais allons dans l'ordre des choses. C'est en comprenant comment fonctionne notre caboche que l'on peut le mieux appréhender les dysfonctionnements qui révèlent pour nous de la banalité. Comme évoqué précédemment, le point d'origine se trouve dans la perception que nous avons du monde et de nos choix, qui en résulte. Or, tout cela dépend évidemment de la manière dont les informations sont traitées par notre cerveau, dans lequel, sans que l'on s'en doute, se tient une guerre fratricide entre neurotransmetteurs. Deux d'entre eux, principalement, ont des effets antagonistes. Là où la sérotonine modifie nos humeurs et est associée au sentiment de bonheur, en nous poussant à mieux gérer la prise de risque pour maintenir une condition favorable, en gros, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, la dopamine, elle, gérée par un petit morceau de cervelle, le fameux striatum, qui a un effet levier sur la motivation. Elle favorise ainsi la prise de risque et est impliquée dans la sensation de plaisir reliée au circuit de la récompense. Ces deux molécules biochimiques, de fait, sont indispensables à l'équation de notre survie. Un problème intervient cependant lorsque l'une des variables vient fausser l'équilibre de la dite équation. Pas besoin de vous faire un dessin, je crois, c'est bien la dopamine qui vient foutre le bordel en nous poussant à rechercher toujours plus de plaisir, toujours plus de récompenses, toujours plus de likes Facebook. Oui, on a mauvais goût, on est une espèce stupide et on est très content. Voilà. Un état de fait contre-productif, donc assez bien résumé en une phrase précise et laconique du neuro-endocrinologue américain Robert Lustig. Je cite « La récompense, c'est ce qui nous pousse à agir. Si nous n'aimions pas la nourriture et le sexe, nous ne mangerions pas et nous ne reproduirions pas. Mais quand la récompense devient notre but premier, elle fait le lit de l'addiction, qui est en fait l'exact opposé du bonheur. » C'était juste au cas où vous vouliez savoir pourquoi notre monde paraissait quelquefois à l'occasion si laid. Bon, en gros, nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais seulement ce que nous pouvons, et cela dans le but que notre cerveau reçoive sa dose quotidienne de dope. Ce qui implique de ne surtout pas réfléchir aux conséquences de nos actes, mais au contraire de continuer à faire de la merde, en prenant soin de bien se voiler la face. Et comme nos cerveaux, habitués qu'ils sont à être stimulés par un environnement sociétal construit sur mesure pour leur kiff, semblent devenir insatiables dans leur recherche de plaisir et d'immédiateté, et qu'en outre, plus on se fait du bien à se faire du mal, plus on en redemande, on comprend aisément que la situation actuelle n'incite guère à l'optimisme. Sauf bien sûr, si on aime à se faire du bien pour se faire du mal. Bon, ouais, je crois que vous avez compris. Un point précédent abordé reste quand même à creuser. Le sur-mesure sociétal, qui n'est pas apparu ex nihilo, bien au contraire. C'est l'autre partie de l'équation. Celle qui nous ramène quand même un peu vers l'extérieur. Car bon, une fois qu'on commence à comprendre ne serait-ce qu'un peu comment fonctionne cette foutue cervelle, reste un choix éthique à faire. Est-ce que j'essaye d'œuvrer en faveur de l'humain, en tentant de le faire sortir du cercle vicieux et addictif? Ou est-ce que plutôt je décide qu'exploiter mes congénères par le biais de leurs faiblesses s'avère finalement la manière la plus efficace et la plus simple de survivre dans ce monde? De toute façon, à l'agonie. Bon. Bah, peu importe quelle voie vous choisissez, sachez quand même qu'après l'éclairage du temps de cerveau disponible de Patrick Lelay, notre PDG de General Motors, s'était déjà prononcé de proposer de nous enseigner notre servilité en nous donnant quelques clés au sujet de l'insatisfaction organisée. Celle-là même qui, à grands coups de neuromarketing, nous encourage à ne jamais oublier qu'avant d'être des êtres vivants, nous sommes bien évidemment des consommateurs. Et qu'en tant que tels, nous avons bien sûr des droits, mais aussi surtout des devoirs. Alors, on ne se repose pas sur ses lauriers. On écoute bien les petites recommandations de notre striatum et on achète. Quoi qu'il en coûte, jamais tu ne pourras te le payer sans faire un emprunt sur 20 ans. Eh ben, on s'en fout. On sera peut-être mort d'ici là. D'ici 5 ans, en plus. C'est fabriqué en Asie par un gosse qui doit avoir le même âge que le tien. C'est vrai que ça remue un peu au début. Mais il y a l'astuce du chef. Il suffit de reprendre deux fois des moules. Ça ne sert à rien, je le possède déjà. Mais de toute la manière, la dernière version vient de sortir. Mais achète-le tout de suite et profites-en pour réserver dès maintenant la suivante. On n'est jamais trop prudent, surtout par les temps qui courent. Et surtout, on lâche rien et on n'oublie pas nos fondamentaux. La victoire contre la malnutrition. Aujourd'hui, l'obésité tue désormais plus que la faim dans le monde. Alors, elle est pas belle la vie ? Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, ha ha ha. And the world turning inside out and floating around in ecstasy. Oh! on my way to Mars on a collision course. I am a satellite, I am out of control. I'm a safe machine ready to reload like an atom bomb. I'm gonna go, oh, oh, oh, oh. Donc, on est toujours dans le magazine Libertaire sur Jet FM. On va, avant les annonces, on va vous donner un peu de nouvelles. Bon, c'est encore des histoires d'enfermement. Donc, c'est dans les CRA à Paris, du côté de Paris. Et donc, il n'y a pas les eaux à plaisir. En fait, il y a donc les prisonniers, les personnes qui sont enfermées dans le CRA sont en grève de la faim depuis vendredi. Et ils protestent contre l'interruption arbitraire des visites et des soins. Et ils disent que les conditions de vie à l'intérieur sont pourries. Et les prisonniers subissent un fort isolement. Et ils continuent à lutter. Et ils luttent beaucoup et ils sont très solidaires les uns envers les autres. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour casser la grève de la faim, pendant la nuit de samedi, une équipe de la BAC avec deux chiens est rentrée dans le CRA en menaçant et en tapant les prisonniers, donc qui luttaient. Une personne a été mise en cellule d'isolement toute la nuit et une autre en garde à vue et ensuite reconduite au CRA. Mais il reste des terres déterminées et la grève continue. Donc, j'ai trouvé des communiqués donc, que les personnes ont écrits. Et ces communiqués sont parus sur... moi, je les ai trouvés en tout cas sur paris-lutte.info. Donc, je vais vous lire un communiqué, donc celui de Palaiseau. Donc, c'est un communiqué qui est sorti dimanche, donc dimanche 22. Ça fait 3 jours qu'on fait la grève de la faim. Ici, les policiers font plein d'abus. Ils abusent trop. Ils traitent les gens comme des chiens. Ils font les visites comme ils veulent et des fois, ils prennent des gens qui n'ont rien fait et les menottent pour les mettre en cellule d'isolement toute la nuit. Même avec le médecin, c'est compliqué, ils refusent tout. Il y en a un parmi nous qui a le pied déboîté et ils ne le ramènent même pas à l'hôpital. Des fois, ils arrêtent les caméras pour taper les gens. Hier soir, donc samedi, c'était samedi 21, à minuit, ils ont ramené au moins 30 policiers avec les matraques et des gazeuses pour nous faire rentrer de force dans notre chambre. On n'a pas le droit de fumer, ni de traîner dans les couloirs, ni regarder la télé après minuit. Les déjeuners aussi, tous les jours, ils nous réveillent à 7 heures, obligés, comme si on était à l'armée. Les tondeuses et les lames, ils refusent de nous les passer. Les fenêtres sont bloquées H24. Les lits sont pas bien, ça fait du bruit toute la nuit, on n'arrive pas à dormir. Et dans la nuit, ils passent toutes les 30 minutes. Ça réveille les gens parce que les portes font du bruit. C'est pas normal, franchement, l'état du centre est crade, c'est très dégueulasse. Et souvent, quand les policiers arrivent, ils nous disent des paroles très racistes. Et il y a d'autres parmi nous, souvent, qui les attachent aux pieds, à la tête, qui les attachent pieds à la tête et des casques à la tête, scotch à la bouche et te font monter dans un avion comme un colis de voyage. Et l'accusation aussi, quand on leur donne nos dossiers, ils n'envoient pas tout aux juges ni à nos avocats. Ça aussi, c'est pas normal. Il y a des gens aussi qui viennent au centre, passer un jour, ils ne voient même pas le juge et ils sont libérés. Alors que d'autres, ils n'ont même pas le droit de passer devant un juge administratif et ce n'est pas normal aussi. Il n'y a pas de liberté, pas d'égalité, pas de fraternité avec nous. C'est la vérité. Alors voilà, c'est ce qui se passe dans les CRA, notamment là, du côté de Plaisir et de Palaiseau. Donc, il y a un site, un blog en fait, où vous pouvez avoir d'autres informations, d'autres prisonniers, donc du CRA de Vincennes aussi. Et des lettres donc qui ont été publiées, qui ont été envoyées et publiées sur ce site, sur ce blog. Ça s'appelle abalekra.noblog.org. Donc abalekra tout attaché, sans S à la fin. Et c'est juste pour rappeler qu'en fait, on parle de CRA. Moi, je parle de CRA depuis le début, mais si les personnes savent pas ce que c'est, ce sont les centres de rétention administratifs. En fait, c'est un lieu d'enfermement pour personnes étrangères, sans papier, qu'on considère, que les policiers, enfin que la justice considère qu'ils ne sont pas en légalité sur le territoire français. Donc les personnes sont enfermées. En général, maintenant c'est 3 mois, je crois, avant éventuellement, ou si vraiment il y a du soutien et si on trouve une faille dans la procédure ou quoi que ce soit, ils peuvent sortir. Mais sinon, ils sont envoyés dans leur pays, comme c'est dit dans le communiqué que je viens de lire, avec dans des conditions... des conditions aussi atroces que ce que vit Fabrice en prison. On va faire une pause musicale et ensuite on passe aux annonces. Brûlons ensemble tous nos papiers, morts aux frontières et au monde d'hier. Brûlons les cendres de rétention, les CER et toutes les prisons. Aucun humain n'est illégal aux yeux de ma loi. Aucun paria, aucun pays, aucune nation n'appartient à aucun État. Notre silence, indifférence, fait de nous tous la masse consentante. Pourquoi laissons-nous les puissants enfermés, hommes, femmes, enfants? Derrière les grilles, des gens se meurent. L'enfermement, tueur par heure. Ta charité, bras citoyen. Ta bonne conscience, juste ça sert à rien. Je suis démocrate, je suis socialo. Je vais voter, plier soumis. Je suis indigné. Oui, mais pas trop, car mon confort, ben j'y tiens aussi. Notre cerveau sert à penser, notre cœur, notre trip, à se révolter. À quoi peut bien servir un cul lorsqu'on reste assis dessus? Brûlons ensemble tous nos papiers, morts aux frontières et au monde d'hier. Brûlons les centres de rétention. Et toutes les prisons, flics, soldats, matons, gendarmes, bourgeois, fachos, tueurs, patrons, garde en face, on dresse nos armes, que crève ce monde. Donc c'est l'heure des annonces du magazine Libertaire. Donc la première annonce c'est ce soir, aujourd'hui, mercredi 25 septembre à 18h, il y a un rassemblement de soutien aux grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles et ça se passe donc c'est à Nantes, quai Bacot. Je vais lire le petit résumé que j'ai entre les mains. Depuis le 17 juillet dernier, les salariés de l'hôtel Ibis Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris sont en grève. Elles et ils, il y a 23 femmes et un homme, dénoncent les conditions de travail que leur impose la société de sous-traitance STN qui les embauche. 3 chambres et demie en 1 heure payées au SMIC, heures supplémentaires non payées, manque de matériel et de tenues adaptées à leur travail. Elles revendiquent aussi le droit à des paniers repas. La société STN leur a proposé de leur offrir 2 euros par jour et une boisson. On comprend pourquoi ils font grève. Ces femmes précarisées sur leur lieu de travail se trouvent d'autant plus vulnérables au harcèlement sexuel. Aujourd'hui, elles dénoncent le viol perpétré par l'ancien directeur de l'hôtel sur l'une d'entre elles. Des actes inacceptables qui pourtant se répètent puisque les sociétés d'entretien Honnête et Hayat et Yat avaient elles aussi tenté de licencier des salariés suite à des faits de harcèlement sexuel. Mercredi 25 septembre à 18h, le collectif féministe révolutionnaire Nantes appelle à se rassembler quai Bacot pour une action de soutien à toutes les femmes de chambre des hôtels Accor. Ce collectif récemment créé sur Nantes revendique un féminisme anticapitaliste, antiraciste, lié aux luttes LGBTQI+ et écologistes. Il se propose d'être un espace d'auto-formation, mais aussi un moyen d'initier des actions pour lutter contre la domination masculine. Un autre événement, c'est toujours aujourd'hui. C'est à 19h, c'est devant la mairie de Châteaubriant. Et c'est un rassemblement de soutien à Vincenzo. Et Vincenzo, c'est quelqu'un qui a été condamné à 13 ans de prison pour une manif au contre-sommet du G8 de Gênes en 2001. Et il a été arrêté 18 ans après, donc en France, et il risque l'extradition en Italie. Donc ce soir, il y a un rassemblement de soutien à Châteaubriant à 19h devant la mairie. Et ce week-end, il y a aussi un concert de soutien. Donc ce week-end, c'est samedi 28, c'est à 20h30 et c'est au Café de la Pente à Rochefort-en-Terre. Il y a un rassemblement à Nantes aussi, je crois, à 18h, à la préfecture. Ok. Oui, et c'est aussi parce que, bon, c'est en soutien à Vincenzo, mais en fait, demain à Rennes, hein, demain matin à 9h, il y a donc le délibéré de sa demande de remise en liberté. Donc ça se passe demain, et donc il y a un soutien, et je pense que... Il me semble qu'il y a un appel à soutien aussi devant le tribunal de Rennes. C'est ça. Alors, la prochaine annonce à Saint-Nazaire, donc le 27 au 29 septembre, il y a un week-end de soutien à un local autogéré. Donc, c'est l'ouverture de ce local autogéré ce week-end. C'est un local qui est situé au 25 boulevard de la Renaissance à Saint-Nazaire. Alors, il manquait un lieu pérenne d'auto-organisation sur Saint-Nazaire, en voilà un. Après un an de travaux, de réunions et de nouveaux convions, du 27 au 29 septembre pour soutenir son ouverture, échanger sur son fonctionnement et bien sûr pour faire connaissance. Le centre Fernand Peloutier, en référence à cette figure anarchiste, donc ça doit être le nom du local, a pour but de favoriser des rencontres, des initiatives, des débats, des échanges pour construire un autre rapport à l'autre au travers d'activités collectives s'inscrivant dans l'éducation populaire. Le local est ouvert à toute personne, collectif, dans la mesure où celles et ceux-ci s'engagent à respecter la charte du lieu. En gros, l'autogestion et le combat contre toutes les formes de discrimination. Donc, si vous allez sur... le blog, je crois qu'il y a un blog, on donnera l'adresse tout à l'heure, je pense que vous aurez, si c'est ça, ladm.noblog.org, donc vous aurez la charte. C'est en outre un outil des luttes sociales pour s'organiser, s'informer et lutter contre toutes les violences de ce monde. Donc l'association Les Amis de May, d'où le blog LADM, je présume, a pour fonction la gestion, la maintenance et l'animation du local. Elle porte le nom de May Picquet, militante anarchiste et humaniste en référence à son combat antimilitariste et anticapitaliste. Donc voilà, donc les amis de May, donc le centre Fernand Peloutier, ce 25 boulevard de la Renaissance à Saint-Nazaire, au plaisir de vous y voir. Donc vendredi, donc le programme, il y aura des conférences, des débats, des concerts, des bouffes. Vendredi, c'est à partir de 19h15 avec un repas en auberge espagnole, donc chacun amène quelque chose. À 20h30, donc, il y a une conférence débat hôpital en partenariat public-privé, histoire d'un désastre inachevé, en présence de Nicolas de la Casinière, auteur de Services publics et crédits aux éditions Libertalia, paru en 2015, et avec la participation d'usagers, d'usagères, de soignantes. Samedi, à partir de 14h, encore une conférence débat sur genre et espace public. Les espaces publics ne sont pas utilisés et vécus de la même façon selon le genre des personnes qui circulent. Ce constat semble de plus en plus partagé. De quoi parle-t-on? En quoi ces différences sont-elles révélatrices d'inégalités et de rapports de domination? Peut-on faire évoluer ces pratiques? Donc ça, c'est avec l'intervention de militants de l'éducation populaire. Et il y aura une participation, un échange sur ces questions. À 15h45, histoire et actualité des bourses du travail en Loire-Atlantique, présentée par Christophe Patillon, donc animateur-chercheur du Centre d'histoire du travail de Nantes. À 17h15, pour une mémoire vive, raconte-moi la commune de 1871. À 19h, bouffe et apéro. À 20h30, un concert de Prince Ringard. Donc le concert sera en acoustique. Et la soirée se terminera samedi, donc vers 23h, 23h30. Et dimanche, à partir de midi, donc il y aura un repas. Une conférence débat dans l'ombre de l'histoire ouvrière. Les femmes au travail et en lutte au 19e siècle. avec Dominique Loiseau, qui est historienne et sociologue. À 15h30, retour sur l'occupation de la Maison du Peuple à Saint-Nazaire, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, avec des acteurs et actrices qui raconteront le récit de cette aventure. Et à 17h15, une conférence-spectacle autour de la connerie militariste. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça. Donc là, ces informations, on les a eues sur Indie Media Nantes. Mais sinon, il y a le blog ladm.noblogs.org. Ok, là, on va faire un petit tour du côté d'Angers. À l'Étincelle, 56 boulevard du Doyenné, avec la rentrée de la Grande Ourse. Ça se passe le samedi 28 septembre et c'est à partir de 15h. Donc pratiquement 2 mois après l'expulsion du bâtiment 34 boulevard d'Avier, le collectif de la Grande Ourse vous invite à sa journée de rentrée, donc le 28 septembre, après la manif du 5 août, en réaction directe à l'expulsion, retour cette fois festif sur l'expérience d'une année de galère et de belles choses. Donc au programme, la pièce, le jugement de la Grande Ourse, ou presque, par les potes de Sors de ta grotte, un documentaire audio sur la vie dans le lieu et un documentaire vidéo. On continue une exposition rétrospective sur la vie en squat et des stands de collectifs amis qui présenteront leur action. Donc voilà, il y a une bouffe qui est organisée par du cœur au ventre et des concerts pour clôturer la journée. Donc je rappelle, le début de la journée c'est 15h et voilà, vous êtes tous invités par le collectif de la Grande Ourse. Alors ce week-end aussi, du 27 au 29, il y a le week-end contre la métropolisation et pour une ville conviviale. Donc ça se passe alors vendredi à partir de 19h30, il y a une table ronde des collectifs en lutte contre les projets métropolitains à la gare de l'État et dans la maison des syndicats. Samedi 28 à partir de 10h, il y a une balade à vélo des lieux en lutte et alternatifs. Et dimanche 29, il y a des ateliers dans différents lieux de la ville. Donc le programme est le programme du week-end, vous pouvez le retrouver sur métropole-en lutte au pluriel.org. Et dans ce cadre-là aussi, il y a un pique-nique samedi à 12h30, un pique-nique contre la métropolisation. Donc, c'est rue du Bâtonnier Cholet, c'est du côté de la carrière Misery. Voilà, donc un pique-nique et ensuite une réalisation d'une fresque. Donc, vous pouvez apporter un souvenir, une photo, un texte en rapport avec l'ancienne carrière. Voilà, donc tout ça aussi, vous pouvez retrouver l'intégralité donc, de ce rendez-vous sur métropoleenlutte.org. Toujours à Nantes, là, c'est une permanence des dévoreuses biblis féministes pour les portes ouvertes de Pollen. Donc, ça se passe dimanche 29 septembre à partir de 14h30 à Pollen, 11 rue des Olivettes. On y sera à partir de 14h30 et jusqu'à 17h30, dit le tract. Et vous pouvez nous trouver sous une montagne de bouquins. Des romans féministes, des ouvrages militants, des livres sur les sorcières, des expériences des travailleurs et travailleuses du sexe, de femmes racisées, DBD Buffy, la bibliothèque féministe de l'asso La Trousse à Outils est pleine de trésors à découvrir, donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis d'autant plus qu'on peut toujours lire, parler des lectures, rencontrer des gens sympas, emprunter, rendre des livres, voilà. Donc elles vous y attendent, nombreux et nombreuses. Alors on a un petit papier, un petit tract aussi entre les mains, c'est mercredi 2 octobre, contre la réforme chômage. La partie n'est pas terminée. Il y a une action régionale donc à Rennes contre les réformes, les décrets de l'assurance chômage qui ont été votés donc en juillet et qui sera appliqué en novembre 2019. Donc, brièvement, je peux vous dire que pour ouvrir des droits, il faudra maintenant travailler 6 mois sur une période de 24 mois au lieu de 4 mois sur une période de 28 mois actuellement. Et pour les personnes qui alternent boulot et chômage jusqu'à présent, à partir d'un mois de travail, il était possible de prolonger son chômage autant de temps. D'autant de temps. Désormais, il faudra travailler 6 mois. C'est donc la disparition du principe de rechargement des droits. Donc, il y a des personnes qui s'organisent contre ça. Et du coup, il y a un rendez-vous mercredi 2 octobre à Rennes. Alors, je n'ai pas le lieu de rendez-vous, mais je pense qu'en cherchant, c'est signé le collectif de la réforme chômage et les précaires de Rennes. Moi, j'ai une petite précision à faire avec la permanence des dévoreuses biblis féministes. Il y a aussi une permanence en fait aujourd'hui à partir de 19h et toujours à Pollen, 11 rue des Olivettes à Nantes. Oui, donc nous n'avons plus d'annonce. Donc L'émission se termine ici, cette première émission. Et nous allons passer une musique de fin ou le générique de fin. Ouais. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, à 12h05, dans le studio de Jet FM. 91.2 à Nantes, jetfm.fr, partout ailleurs. Ciao. Ciao.